le savoir est dans le vent, les nuages et les arbres. Le sang qui coule dans nos veines a partout la même couleur. Le soleil, notre père. La terre, notre mère. L'air, notre frère. Nous sommes tous peuples de l'univers.